l'article, je souris en vous montrant du doigt. Sarcastique et caustique, vous voyez, je ris avec les rois. J'ai fait ce qu'il fallait. Grâce aux mes êtres, je suis là, je suis sans consistance pour être de circonstance. J'ai les relations, je vendrai les douleurs de demain. Je vole de meetings en salon. Je représente la France, celle d'en haut de la relance, emploi, industrie, finance, contre souffrance. Fraternité, mesdames et messieurs, je vendrai la mort pour la vente de quelques avions, la première page dans les journaux pour la richesse de la nation et pour briller sous les projets, tout se justifie. La souffrance.